Ça continue, yo. Allô major, est-ce que t'es prêt à prendre un vent? Est-ce que t'es prêt à la part de Tony Razor CBLAS 3500? Oh ouais. Alors major, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je m'arrête au coup de sifflet de tous ces keufs qui courent ma life pour mes raps trop grands dedans? Et ouais, je force le gros barrage de vos experts en la chanson. Et ouais, j'évite tous ces tremplins selon Bouchant dans ce putain de bise. Ouais, qui passe par l'audition. Et au passage, j'fous en l'air ce gros panneau de la SACEM qui me rappelle que j'dois freiner, m'arrêter, leur lâcher mes couplets avec du blé pour que mes skirts soient protégés, certifiés. Ouais, ouais, ouais, rien à faire, tu es loin du cas sur le plan de la PUB. Et ouais, mon rap n'est pas conçu pour vos radios et vos télés. Que faire de plus que cavaler avec un rap de qualité? Et rien à faire de l'opinion de tous ces. Yo, alors major, est-ce que tu captes cette sensation? C'est Tony Raz qui a pas le temps de rentrer dans ce grand manège des opinions. Et ouais, je force le grand barrage dans ce putain de bise. Ouais, qui passe par le en CBRAS 3500. Allez, remballe. Ouais, tes règles, tes limites. Fais pas semblant, y'en a pas. Est-ce que tu captes cette sensation? Yo, yo, c'est Tony Raz en CBRAS 3500. Oh, please stop.